إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى بصدق سيدي أصل رسول الله عليه الصلاة والسلام من نتبع أفضي كتب ميزيكورد للعالمين pour le monde, que ce soit le monde des humains ou bien le monde des génies. ويقول تعالى كذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة آية 120. الله سبحانه وتعالى dans ce deuxième verset, il précise en disant: certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Ce messager, il a été pris parmi vous pour vous-même. Un messager auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et compatissant miséricordieux envers les croyants. فمن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا الا وارشد الامه اليه. Le prophète عليه الصلاه والسلام, il n'a pas vu un bien profitable à sa communauté tant qu'il ait poussé sa communauté vers ce bien. وما ترك شرا الا وحذر الامه منه. Et il n'a pas vu un mal pour sa communauté sans qu'il lui dise ou qu'il la mette en garde contre ce mal-là. وذلك لماذا؟ ليش؟ لحرصه على سعادتهم وفلاحهم ونجاحهم وفوز في الدنيا والآخرة. Pourquoi? C'est pour notre réussite. Pour qu'on soit victorieux في الدنيا, qu'on réussisse في الدنيا ثم الآخرة. نعم, الإنسان يطمع بالخيرات في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى نعم علينا بالأنعام, فلماذا نحرم أنفسنا؟ الله سبحانه وتعالى نزلنا بالبيان في باقي الدنيا تصدق صنفيدك ما صنفيدك. طيب, وصيك يوم القوة عليه الصلاة والسلام يحب لنا الخير وهو البيان في ذو كوغيسي الدنيا قبل الآخرة ثم في الآخرة. فحذرنا, فماذا؟ فحذرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس, إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. تخشي حديثنا بديني كي لكيف de notre conférence, de notre bain, ce qu'on est en train de faire, ça va parler, ça va consister à développer qui est le Messie Dajjal, qui est le Dajjal, qui est sa fitna. On va voir, au fur et à mesure qu'on va avancer, que malheureusement, dès que le Dajjal est public, سواء فوق المنابر, سواء في الدروس عامة أو خاصة, إلا من رحم الله, إلا من رحم الله يتكلم في الدجال. فوق المنبر شوفوا لقاء جي بودغدي خيط دي من تقدر بالمسيح الدجال بني دروس كي صوتي خيط دي بروفيسور كاردي مسيح الدجال. هذا سي خاص, سي غاز لسيح دي سيطير sur le matériel de dire, c'est très grave. On va voir ce que le prophète, il nous dit ici. Donc, premièrement, ce hadith-là que tu nous mentionnes. Ya ayyuhanna, sauve les gens. Illa alam takum fitnatun ala wajhi al-ard. Il n'y aura pas une fitna, un trouble aussi grand que ce trouble-là qui est fitnatun al-Masih ad-Dajjal. Ça veut dire, crois qu'on voit. Comment va le shahid? Ça y est, astamil kilka fitna. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut assister, que ce soit dans n'importe quel pays, ah ben la fitna de Masih ad-Dajjal sera encore plus grande que les fitnas qu'on est en train de voir actuellement. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et sa descendance. C'est-à-dire que fitna a Adam une fitna avec le shahid et l'aim. فقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. Pourquoi je vous dis que les imams ne vont plus parler de Dajjal pour le minbar? Ça veut dire qu'il y a le Rasoul صلى الله عليه وسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui-même qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il dit? لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره تقني شنو بخصوص لي وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر يكون في زمان نطلع وطيب لي شنو مما أصل مرات مسيح الدجال إذا فعل سيبا صرفي mais jusqu'à présent مسيح الدجال il est pas encore sorti il est pas encore sorti bien que on verra en continuant qu'il y a des gens qui vont dire oui vont intercepter vos gens non مسيح الدجال c'est pas ce que vous croyez مسيح الدجال c'est pas un homme. Monsieur Dajjal, c'est autre chose. C'est un symbole, c'est une image. C'est le Dabal al-Mubin. C'est le Dabal al-Mubin, ça fait légèrement ça. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف الذي يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمان اختلاف الناس والفرقة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما. Dans ce hadith-là, Abu Huraira il jure, il dit que j'ai entendu Abu al-Qasim, le prophète عليه الصلاة والسلام, وهو الصادق المصدوق يقول يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة. لماذا سمي مسيح الضلالة؟ Parce que c'est l'antichrist, c'est comparé par l'antichrist. Le Messie al-Dajjal, c'est celui qui est traduit par l'Antichrist. Le Messie al-Huda, c'est Isa alayhi salam. Le Messie al-Dalala, l'Antichrist, et le Messie al-Huda, qui est Isa alayhi salam. Nous n'avançons pas plus vite que le temps. Allons-y doucement. Quand est-ce qu'il sortira? On a dit la première des conditions, c'est quand les gens parleront plus de Messie al-Dajjal. Même dans la Messie al-Dajjal, le Messie al-Dajjal, le Messie al-Dajjal, il n'y a pas de chose. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في زمن اختلاف الناس عندما اختلف الناس تلقاهم اليوم في الجامع في المسجد الواحد هذا يشوف في خبر العرج هذا يشوف في خبر العرج مثل الجعري هذا في الجامع واحد أنا نصور واحد كلمة نقدة واحدة قرآن نقرأ واحد نبي نبي واحد سبحان الله ايش هذا؟ On est dans une mosquée, dans la mosquée, l'autre il regarde l'autre en travers. L'autre qui dit même pas salam alaykoum à son frère. On prie avec notre imam, on prie un seigneur, notre qibla dans la même direction, Quran wahed, bil wahed. C'est pas l'irtilaf ça? Ça c'est l'irtilaf de l'aïné. Mais le Quran, chacun est divisé. Aujourd'hui on est dans l'époque de la division. Aujourd'hui, on vit l'espace de la division que le prophète Aristanat Osman a mentionné dans le hadith. Quelle est donc la deuxième des conditions pour que le Messie Dajjal sorte? Première, on a dit, c'est quoi? C'est quand les gens parleront plus de lui. Quand les humains ne parleront plus de lui sur Mimbar, quand il sera oublié. Deuxième des conditions, quand les gens seront divisés. Quand les gens ne seront pas en accord ensemble. Ça y est, nous aurons mal. شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما. أقول يبي تاني با يبي تشوف تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر Alors là, à ce moment-là, à cette époque-là, les croyants, ce sera dure époque. Ce sera terrible. Là, on est en train de parler. Là, on dit, ouais, Rasoul Sassam, Khal, Hadzak, ou Mashallah, Hadith, ou Gda. On n'arrive pas à s'imaginer la situation. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il l'a mis en garde. On le verra plus loin dans notre hadith. Que si ma tête est devenue sourde à ce moment-là, et que vous le voyez, si lui il vient au sud, vous partez au nord. Si lui il est au nord, partez au sud. S'il va à l'ouest, allez à l'est. Allez toujours à son opposé. On va coucher là, dit l'imam. Allez, vous revenez à l'ouest. Parce qu'on n'aime pas. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, va à l'opposé, ne reste pas là où il était jardiné. Je te dis, moi je reste là. Non, viens pas. فأحلف أي أبو هريرة أهلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لحق وإن إنه قريب للقفص عليه الصلاة والسلام أبو هريرة إلى جغي لديه والله جوته من فاصل زغيك للقفص عليه الصلاة والسلام إلى ذلك إنه لحق وإن الحقيقة عندما ندرس الحديث كنت نتفي الحديث كنت يدي موكو وميديك إلى علماء سنو في فيغة فاتسك العلماء إذن لي إنه لحق. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il n'a pas besoin de dire « innahu lahaq ». Il suffisait de dire « innahu qarib ». C'est pour renforcer ce sens. Mais le prophète, alayhi salatu wa sallam, « la yantiqu anil hawa ». Le prophète, alayhi salatu wa sallam, « kullu ma yaquluhu min Allah, subhanahu wa ta'ala, wahlim min Allah ». Ce que le prophète alayhi salatu wa sallam dit, c'est une révélation divine. Ça, il m'en donne la subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin le prophète de jurer. Ou bien, parce que ça, il met le haq, c'est une forme d'argumentation, comme c'est une forme de jurement. Il n'a pas besoin le prophète alayhi salatu wa sallam. Mais il y a des t'équipes. Le shibayim, il y a des amas khafir. Attention, la chose, elle est grave. Un événement comme celui-là, c'est un événement qu'il faut s'y préparer. وأما إنه قريب شوف سبحان الله من علامات الساعة parmi les signes de la fin du monde la fin des temps من علامات الساعة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم la durée du prophète عليه الصلاة والسلام soit le premier signe de la fin du monde le prophète عليه الصلاة والسلام il est venu soit le premier signe savez-vous que la deuxième signe sa mort صلى الله موت النبي صلى الله عليه وسلم soit le deuxième signe. Et après, je suis pensé parce que... Là, on est là, bon, nous, on n'a pas conscience de tous ces hadiths, de tous ces versets qui sont mentionnés. Sahaba, on va le voir après. Sahaba, radio en haut. Et demain, qu'il y a un rappel, on va se faire des hadiths. Alib Bidjal, il y a un rappel, Alib Bidjal. Qu'il y a un rappel, il y a un rappel, il y a un rappel, il y a un rappel, il y a un rappel, il y a un rappel, il y a un rappel, il y a un rappel, il y a un الصحابة يقولون قتلوا الأمل ما عندهم كل الأمل في قتلوا الأمل في الاستيغول اللي يقولون نعم ربنا يقتل فيها نعم يسر الناس يقولون ما نقول ما زال الوقت ما زال الوقت وبين يقولون ما زال الوقت ونالتهم الصحابة ما هو شكل القفة عليه الصلاة والسلام يجيزي يا صحابة ما هو تتوقف إذا ريبير عايشة رضي عنها ألا أنت القفة عليه الصلاة والسلام فانت الجنة لك يغي لك يغي. Mais pourquoi tu pleures, Aïcha? J'ai peur de Bidjan. N'aie pas peur. Si Bidjan est bien et que je suis vivant et je suis parmi vous, je vais m'en occuper. Mais si je suis mort et qu'il est bien pendant que je suis plus là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu avais peur? Il donne de l'importance. Sahaba, quand tu parles avec eux, ils avaient l'impression que la chose allait se dérouler dans les heures qui viennent. Quand on a parlé du Messie Dajjal, parce que là c'est notre date d'aujourd'hui, ou bien des autres signes, ils avaient l'impression que ça allait venir là. Ça y est, le prophète qui s'arrête de parler à l'Israël de Salam, et le dénouement il va se produire. Sahaba, quand il y a un rire, le rassemble, il y a un rire maintenant, le hadith ou pas. Le hadith. Mais c'est que là, on a un rire, on a un rire, on a un rire. لا ما تدش اللي خرج لا المدن الشعب شخرج nous on dit non, il va qu'on sera mort et enterré, là c'est qu'il va sortir. فكل من هو آت قريب الخطط عليه الصلاة والسلام كيف يلدي إنه قريب فكل من هو آت قريب يبيك ستي لن نوي يبخش يبيك يبغي لي يبخش حتى الموت نقول له الموت ما تكيتناش لا تكيتنا لما زال لا مو غيره لا لا مو غيره في شيء فلا أعطى تسويت فلا الطاب ولا مو فكل آت قريب كيف يبغي لي يبخش قال الحافظ اسنده جيد اي عن هذا الحديث وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وقد حذر امته الاعور الكذاب يسيب في الحديث لا انس بن مالك رضي الله عنه كيف كي دي دي كنت عليه الصلاه والسلام الى دي ان يقع الكفاة بالقضمه إلا وقد حذر أمته الأعوار الكذاب إلا كان خطتهما بني عليه السلام جسكما كي نفني أنجر كونت لبني المسيح الدجال كونت كي لبني المسيح الدجال يفيد رأس الحديث لكم وإلي ما شمي الأعوار الكذاب لأن سنرى ما معنى الدجال ونرى لماذا سمي المسيح وضعوا كويس ولا خلي المسيح وضعوا ولا خلي الدجال دونك ici il continue en disant الا انه اعوى dit le prophète عليه الصلاة والسلام انه اعوى وان ربكم ليس باعوى اي votre seigneur il est aborni اعوى الجنم بمعنى aborni et votre Seigneur est à borne. Maktoubun bayna aynayhi ka-fa-ra. Entre ses yeux, c'est marqué ka-fa-ra. Et dans une autre voyeur, une autre version, ka-fir. Il y a des gens, malheureusement, il y a des gens, ces hadiths qu'on a mentionnés, ils vont te dire, non, tout ce que vous racontez là, non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on parle. Tout ça, c'est des symboles, c'est des images, c'est pour encourager les gens. Il veut dire que tout ce que le prophète a laissé à la personne, c'est pas ce qu'il a voulu expliquer. Ah, ouais, ça fait comme ça, on aura son genre. Tu comprends mieux que le prophète a laissé à la personne, ce qu'il a voulu expliquer, donc il va nous expliquer. C'est ça qu'il veut le faire, c'est ça. Allah le Moustah. Allah le Moustah. Entre ses yeux, qu'est-ce qui est marqué? Kafara. Ash Kafir. Kaïd. يقرأه كل مسلم وفي رواية كل مؤمن كل كاتب أو غير كاتب أخرجه البخاري ومسلم طيب مو لا تقول يندير لهم يندير كي أنتو سيجي معكي كافر رأي بعض الناسيون كافر كي بيجي لا يقطع كل كاتب كل كاتب لتخي وكل كاتب لتخي واحد يعرف يقرأ يقرأها واحد ما يعرف يقرأ ما يقرأها Celui qui sait lire, il saura lire ce qui est marqué. Celui qui ne sait pas lire, il saura lire ce qui est marqué. Vous voyez qu'il y a un cadeau ? Là, là, on n'a qu'à chouroute. On n'a qu'à chouroute. Le chouroute, on va voir qu'il y a un cadeau. Ça ne sert pas de me dire qu'il y a un cadeau. Là, là. Voilà une compte à parler. Même si tu es quelqu'un qui a toutes les langues du monde entier, tu parles toutes les langues. Tu sais lire toutes les langues. ولكن ما عندك شرطان أساسيان تبغطان يسكي مخيلا الشرط الأول الإيمان الإيمان لله الإيمان الكامل الشرط الثاني العمل الصالح لك تقول أبغى الإيمان لله مير عملك عملك عمل سلبي شوف أمي ما تقراش خلاص شو اللي تقرأ في ثانية في ثانية ما عندك الإيمان وعملك عمل صالح لا الله سبحانه وتعالى في ثانية كما قلت في الصنف شوف هذا ثانية هذا يوكي في ثانية أنا بين الإيمان كما قلت في الصنف الدجال فوقا فوقا عنده إيمان بالله وهذا العمل الصالح إن شاء الله ولقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شر المسيح الدجال وعيدا لفتنته فحذر أمته منه ووصفه لهم وصفا دقيقا حتى لا يخفى على مؤمنين ولا يبتل به بإذن الله عز وجل. بالصدق عليه الصلاة والسلام كل من كده سلد غبي سيد المسيح الدجال il a mis en garde sa communauté. Il a dit que c'est une description minutieuse pour que tout croyant musulman, mu'min, mu'mina, en cas où le Messie Hadjjal il arrive, il sera interdit sur le Messie Hadjjal. Il nous a donné quoi ? C'est une tire de l'autre côté. Pour pouvoir reconnaître le Messie Hadjjal. On ne peut pas se demander, mais Rasulullah, je ne savais pas que c'était lui le Messie Hadjjal. Le prophète a mis la tête de l'homme, si ! Il l'a mentionné. Et en plus de ça, il en a tellement parlé, que les hadiths, ils sont mutawatir. Le hadith al-mutawatir, c'est quoi le hadith al-mutawatir ? C'est celui qui a été entendu par beaucoup de personnes, beaucoup de sahaba. C'est pas un médecin ? Il y avait beaucoup de sahaba qui avaient entendu parler de Djal. C'est comme ça, donné de génération en génération par beaucoup de personnes. C'est nous qui les amenons des grands de cet événement-là. Il est grand. Ça fait partie des dames de la croyance de l'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Il faut croire qu'il y aura une fitna qui va provenir de cet homme-là. Il ne pas genre, c'est un homme, c'est pas un ange, c'est pas un génie, c'est un homme. C'est un homme, Bachar. هذا ركن من أركان اعتقادهم. فالإنسان de la croyance de l'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. قال نحن نقول نحن من أهل السنة والجماعة. On dit qu'on fait partie des gens de la Sunna. Et on ne croit pas certains à ça. Alors on n'est pas de l'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Ça y est. Si maintenant on dit qu'on fait partie de l'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Même l'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Al-Sahaba. Tabi'u al-Tabi'in. هو أهل السنة والجماعة وكل من سار على دربهم اتسكم تنسيدي فعلينا أن نوحد فهمنا بفهمهم وعليكم السلام ورحمة الله شوفوا لا أغسطوا إليه كيف كيف تفاق obligatoirement il faut que notre compréhension elle soit égale à leur compréhension la compréhension des compagnons de ceux qui les ont suivis en bien faisant de ceux qui les ont suivis après وكذلك نوحد عقيدتنا بعقيدتهم يمكن أن تكون مبارك في سواء إجال على الخلاص يجبون دي كمبانيا يمكن بينك وانت وانت وانت وانا إن يفد الدخلص أخي نتك خلاص إلى الخلاص دي الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادتنا بعبادتهم إيفو كي نتك أدوراتيون تكون نتك أدوراتيون صلاتنا نتكيير صومنا كدوجان Hajna, Zakatna, tout ce qu'on fait, il ressemble à ce que le prophète a enseigné à ses compagnons. Les compagnons, ils ont fait comme ça, nous on fait pareil. C'est ça. C'est derrière tout là. C'est le truc d'Allah que chacun doit faire. C'est Tawhid al-Kalima, bi kalimat al-Tawhid. Tawhid al-Kalima, bi kalimat al-Tawhid. Avec la ilaha illallah. C'est quoi qui nous a fait aujourd'hui à venir à la mosquée? أنت تسكن في الجزائر؟ أنت مغربي؟ أنت تونسي؟ أنت مصري؟ أنت أفريقي؟ أنت مع بريشوش؟ لا. إحنا ما عندناش جنسية. أنا فاهم أنت بوليتيك دو ديغ، آه أنت ألجيري، أنت ماروكاني، أنت لا. أنت لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مسخرة. أنت تقول لا إله إلا الله، محمد On a parlé de lui non parce que c'est un Marocain, lui parce que c'est un Tunisien, lui parce que c'est un Égyptien. C'est un Alhamdoulilah, aujourd'hui, là, pendant le temps, c'est des Français, des Portugais qui sont parmi nous. Mais ce n'est même pas des Arabes, c'est des Portugais. Parmi nous, il y a des Français. Mais qui, pourquoi ils sont venus ici? Ils sont venus parce que là, il y a l'Allah, Mohamed, Rasulallah, Sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah. العقيدة العقيدة تخيزة قصة العقيدة سيسا كي بانو جنير سيسا كي بانو جنير سيبا الارجان جيبا بزوان تو الارجان جيبا بزوان تو ندير الحمد لله نخدم خدام ولا بزياش تخطاج سيبا جيبا بزوان سيبا بزوان سيبا بزوان سيبا بزوان سيبا بزوان هذا الحب تبلوك إلى الوكار استكفو تبا تخلص الحج تبا تخلص مثل القرآن تبا تخلص تبا تخلص تبا تخلص ولكن هذا عملك ما ينفع كما القيامة تبا تخلص تبا تخلص تبا القيامة Et c'est quoi qui va être utile au Mokriyama? C'est la mort que tu as eu pour ton frère. Hadal Choub qui attend dans ton cœur pour toi et moi, il sait plus que le Mokriyama, c'est ça qui va le sauver. C'est ça qui va le sauver. Il ne faut pas qu'on regarde les nationalités. La nationalité, ça ne compte pas. Si tu dis la ilaha illallah Muhammad al-Rasulallah, tu me dis non, c'est quoi ça la ilaha illallah Muhammad al-Rasulallah, je ne connais pas ma femme. Il n'y a pas de la ilaha illallah. Oui, là, d'accord, là on ne se sait pas. Là je suis d'accord avec toi. Mais si tu dis la ilaha illallah Muhammad al-Rasulallah, tu dis oui, l'on doit se dire main dans la main. Main dans la main. C'est l'aqidah, c'est quoi l'aqidah? C'est Ism'al. C'est un mot en général, l'aqidah. Dans l'aqidah, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawm al-akhir wa qadr khayrihi wa sharrihi wa al-imanu bil-rusul, al-imanu bil-anbiya, al-imanu bil-dajjal, bil-masih al-dajjal, hada yusud l'aqidah. Ça, c'est rentre dans l'aqidah. C'est pour ça que des fois, quand on dit à Yifou, il faisait sa raqida, ça, ça fait partie de la raqida, ça. Elle m'a dit, elle veut dire, ça fait partie de la raqida. Le tawhid, ma'arouf, le tawhid, ismouna, kharab. Le tawhid, quand on dit c'est quoi tawhid, c'est pour parler maintenant d'Allah subhanahu wa ta'ala et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-Rububiyya, tawhid al-Uluhiyya, tawhid al-Majah wa Sifat. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ça, il faut continuer notre date. On a dit tout à l'heure que le Masih al-Dajjal, pourquoi on l'appelle le Masih al-Dajjal? Mais maintenant, c'est le Masih al-Dajjal. Dajjal, pourquoi Dajjal? Si quelqu'un te dit, ça veut dire quoi Dajjal? Ah, Dajjal, je sais pas, moi j'ai entendu les gens dire Dajjal, dit Dajjal. Là, il faut que tu arrêtes. Il faut savoir pourquoi. Dajjal, lui, il ne lui rate le haqq bil kadhib. Il cache la vérité avec le mensonge. Dajjal, pourquoi? Parce que c'est celui qui cache la vérité avec le mensonge. Il rate le haqq bil kadhib. Ou le Masih, pourquoi maintenant il s'appelle le Masih? Le Masih, lui, il ne lui rate le haqq. بالباطل parce que il essuie la vérité avec le bon. Ça c'est la première explication. Après il y a d'autres explications. Ils vont te dire les ils vont te dire parce que son œil il a été nettoyé. Ça veut dire qu'on nettoyait en vérité parce que il ne voit pas bien avec ça. عندما يتتبع الأحاديث quand on suit les hadiths sur le Dajjal et sur la description quand on va y arriver on va s'apercevoir que le Dajjal de Dajjal il voit pas des deux yeux. Un œil il voit pas et l'autre il voit très peu. On va le voir quand on va parler de la description du Dajjal. Ça, il y a une question qu'on peut se poser. Mais c'est le Dajjal. Avec la fitna qui va causer. L'imam va le mieux faire le Coran. C'est une question qu'on peut se poser. Mais c'est le Dajjal. Le Coran parle de la fitna, il a mis en garde. Les prophètes avant lui, ils ont mis en garde. Lèche le bim avec le Coran. Pourquoi Allah se prend pas là, il a quand même soumis dans le Coran. Tous les cas, dikrohum. Si le Coran lâche, c'est pour le rabaisser qu'il n'a pas été décrit dans le Coran. Allah son père, il le rabaisse. C'est pour ça qu'il n'a pas été mentionné dans le Coran. Il y a un savant, il a dit, il y a aussi une autre raison. Mais sa raison, quand tu regardes, elle a été rejetée. Pourquoi? Il a dit qu'il n'a pas été mentionné parce qu'il n'est pas encore venu. Et si on regarde, par exemple, ces grandes tyrans qui ont fait des fitnas à l'époque, dans le passé, ils ont été mentionnés comme Pharaon, il a été mentionné dans le Coran. Pharaon, il a été mentionné dans le Coran. Beaucoup de ces gens-là, ils ont été mentionnés dans le Coran. Mais sa réponse, elle a été refusée. Pourquoi? Parce que si tu regardes, il y a, ça va être fitna ou ça va pas être fitna? Ça va être une fitna. Mais est-ce qu'elle est arrivée? Elle n'est pas encore arrivée. Ça va être une fitna ou ça va pas être une fitna? Ça va être une fitna. Elle est arrivée, elle n'est pas arrivée. Pourtant, elle est mentionnée dans le Coran. Donc cette deuxième réponse qu'on a été refutée. La première réponse qu'on gardera, c'est ihtiqal, c'est pour le rabaisser. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas mentionné dans le Coran. طيب الأحاديث عنه متواترة كما قلنا. فمن أنكره أي أنكر الدجال فإنه مبتدع ضال. C'est un égaré, c'est un innovateur. وقد تؤدي بدعته إلى ضلال الفهم. Le fait de rejeter le Masih al-Dajjal, parce qu'il y en a, ils ont rejeté le Masih al-Dajjal. Ils ont dit non, la Masih al-Dajjal, c'est pas ce que vous vous dites, c'est pas un homme, c'est pas quelqu'un d'Allah. Ils ont dit, je vais vous donner moi c'est quoi la Masih al-Dajjal, c'est la télévision. La télévision, c'est un bloc comme ça, c'est un œil. Si vous faites un procès à Fidara, quand il est venu à la Daura, il a dit oui, mais si tu mets une deuxième télévision à côté, ça fait deux yeux. Subhanallah. Donc, l'orteil de l'épaule. Tu vois? On continue. On verra par la suite comment ils se sont égarés. Et leur égarement, il faut leur ramener dans l'égarement, dans la compréhension. Et cet égarement dans la compréhension, il y a une qui m'a connu à des bid'at ou il a balal et puis le permis, ou il a couvri bin nosous. Et encore plus grave, avec l'égarement dans la compréhension, ça peut s'amener dans la mécréance des textes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire taqfar bil aya. Rabbi yakul, on t'a taqfar bil aya. Rasoul s'en yakul aya kada wa t'a taqfar bil hadith. Grave, attention. Il y a une différence entre celui qui va interpréter un verset et il va interpréter un hadith et celui qui va kafar bil aya ou la kafar bil hadith ou qui va mécroire dans un verset ou mécroire dans un hadith. C'est une différence. Quelqu'un qui va te dire par exemple, je vais te donner un exemple. Le khamar. Le khamar ma'rouf, haram. Il va te dire oui, mais c'est pas n'importe quel khamar. Le khamar al-makour ou le khamar al-ilal. C'est l'alcool de raisin, c'est celui-là qui est haram. Mais tu vois, je bois de l'alcool de riz. Le khamar, ça arrose. Ah ben ça, c'est pas haram. Il a fait l'interprétation du verset, il a interprété à sa manière. Ça, c'est pas un kafir. Attention, là, il s'est dit kafir. Mais maintenant, tu lui dis, ah non, le khamar, là, il s'est dit haram. Il va te dire que le khamar, non, c'est pas haram. Je connais que le haram. Arabe, il y a un haram. Là, l'Arabie m'a caché haram. C'est une ayat, là, ça n'existe pas, c'est bien fait là. Ah, tu vois, là, maintenant, il est tombé dans le couvre. Khalid al-Islam, il est sorti de l'islam. Faire attention. Faire très attention. Ah, il fallait chez Madrasa. Il y a une école qui a remis tous ces hadiths-là. Comment s'appelle cette Madrasa? Madrasa de l'Aqlaniyya. La Madrasa de la raison, si on peut la traduire comme ça. Pas l'Aql. Il خلينا غير عقله عقله قالك ايه قالك لا العقل اذا وفقه في الايه والحديث وي في صوره فريزو على حسب الدرس والحديث اذا كتب في صوره على حسب الدرس والحديث اذا وجد في النظره العقلانيه فهذه المدرسه في من تاثر اهلها تاثر اهلها بافكار المعتزله افكار الاعتزال والمعتزلين كيف كيزوغو جتيه كيف كيزوغو نيه ان كانوا كثيرا من الامور وخاصة في العقيدة في الدين كم تغير بوك الدجال ما تحدثون اذا اكتبتوا يجيب نوع دجال سيهو خشور سيهو خشور سيهو خشور سيهو سيمبول دي ديماج اكتبتوا كيف كيزوغو جتيه نعيم وعدم القمر يقول لك لا ما كاش عدم القمر نعيم القمر لا ما كاش نعيم القمر يقول لك لا يقاتل في مضاتهم il n'y a pas de jouissance dans la tombe. Qu'est-ce qu'ils vont dire rejeter? Hadith al-Shafa'a. Ils te disent que Shafa'a, là, c'est son mari, je fais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? L'imam de Hadith al-Nabi, par exemple, ils vont te dire quoi? Je vais boire un verre de Hadith al-Nabi par semaine, j'irai plus sûr jusqu'à la fin de la fin. Il y a tout ça. L'abad, c'est quoi l'abad? La nihaya talahu. L'abad, la nihaya talahu. L'abad, il n'y a pas de fin. Quand tu rentres parler, il n'y a plus de fin, ça n'existe plus la fin. Tu meurs plus. Tu meurs plus, c'est fini. On te dit, je vais boire un plaisir comme ça, de l'hadith al-Nabi par semaine, c'est tous les jours, c'est plusieurs. Là, les gamins, qu'est-ce que je me dis? Ça n'existe pas, ça. Tu vois comment ils ont rejeté? Madrasa al-Aqlani? Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Ils ont dit que les mu'minoun la yaraouna Allah. Ils ont dit que les croyants ne verront pas Allah, subhanahu wa ta'ala. T'as vu ce qu'ils ont rejeté? Attention, ils sont graves. Ils sont graves. C'est quoi leur principe? Le mec de la technologie, il a un nazi, il a un c'est quoi? Taqdim al-aql, allez, non. C'est le fait d'avancer la raison, je le devance devant le wahi. Et l'aql, qabla al-naql. Ça, c'est une erreur. Des fois, il y a des choses qui sont pas logiques dans ta tête. Mais on regarde pas ta logique. Tu prends qu'à Allah, tu prends qu'à la Rasulullah, c'est logique. Allahumma barik, alhamdulillah. C'est pas logique, tu prends qu'à l'Allah, qu'à la Rasulullah. Et après, ça deviendra logique. C'est quand tu dis non, moi je ne sais pas parce que ça va pas avec ma raison. Un autre exemple. Qu'est-ce qu'ils ont dit, pardon? Tayyaran Adabil. Sur le film. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Tayyaran Adabil, Tarmihim bi hijaratin min sijil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tayyaran Adabil, ce sont les oiseaux qui ont pris avec eux les petites pierres là, et qui les ont jetés sur Abraha et toute son armée. Et c'était des petites pierres, pas plus gros qu'un lentille. Mais quand elles descendaient, qu'elles touchaient la personne de l'animal, ils tombaient secs, réellement. Ils ont dit non, ça c'est pas ce que vous croyez, ça c'est le choléra, ça. Ah, on a des gangs de toilettes. Comment c'est le choléra, là? Ça fait rire, mais normalement on doit pleurer, normalement. Normalement on pleure quand on entend des choses comme ça. Là, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, porte le mimbar. Un jour, Omar ibn Khattab sur un mimbar, qu'est-ce qu'il a dit? Sayakunu fikum, ay min ummatikum, min ummatil islam, qawmun min hadhihi al-umma. Il y aura des gens de cette communauté. Yukaddibu nabi al-rajul. Al-rajul, c'est le fait que quand les shayatines, ils veulent écouter ce qui se dit à droite à gauche, on voit des états occidentaux qui partent comme ça. En vérité, ça fait quoi? On a l'idée. Aouran du Kadibou n'a des rajouts. Ils ne vont pas croire ça, ils vont dénoncer ça. Taniel, voyou Kadibou n'a dit que Djel. Ils ne vont pas croire au Djel. Voyou Kadibou n'a dit que le Hachem, c'est le Maghribi. Ils vont dire comment ça, le soleil. Lui, là, le soleil se lève de l'Orient vers l'Occident. Ils vont dire qu'il va finir de l'Occident vers l'Orient. Les gamins, qu'est-ce que je n'existe pas. Voyou Kadibou n'a dit Adam al-Khabar. Ils vont aussi démentir le Adam al-Khabar. Voyou Kadibou n'a dit Shafa'a. L'intercession du prophète dans les salats de salam. وَيُكَتِّبُوا لَذِي قَوْمٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَنْ تَحَشُوا. Ils vont aussi démentir des gens qui sont rentrés en enfer et qui sont sortis de l'enfer après s'être grillés et brûlés. Parce que ces gens-là, comment ils vont sortir? Faut que je suis mahrougé. Ces gens-là, comment ils vont sortir mahrougé? Inch'Allah, on demande à la Soudra qu'on fasse la constitution. Inch'Allah, bien, on a monsieur Mouhèche. On demande à la Soudra, reste à monsieur Mouhèche. C'est grave. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, comment déjà ils vont rentrer en enfer, ils vont sortir. Et... qu'est-ce qu'il dit à Omar ibn Khattab la suite? Fala'im adhaqtuhum. Si je vis à cette époque-là, et que je les rencontre ces gens-là, la'aqtulannahum. La m'taqid ou la m'taqid pour renforcer le sens. La'aqtulannahum qatla'adim wa fa'roud. Je les combattrai comme ils ont été combattus à Adl wa fa'roud. C'est grave. أخرجه الداني في الفتن باب الفتن وأحمد مختصرا وإسناده حسن. فكان صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه كثيرا عن المسيح الدجال. Le prophète عليه الصلاة والسلام dans ses discours, il parlait beaucoup. C'est pour ça que ces hadiths, il y a beaucoup de hadiths concernant le Messie Dajjal. Mutawatir, comme on vous l'a dit. Les compagnons, ils ont tellement entendu parler du Messie Hadid, le Messie Hadid, le Messie Hadid, d'un Sahara, un enfant qui a cru que Paris en Nahal. À Médine, ceux qui ont vu Médine, il y a un endroit là-bas où il y a beaucoup de palmiers. Ils ont cru qu'ils allaient sortir de tel endroit. Ils allaient sortir de tel endroit. Ils avaient peur, les compagnons, comme on a dit au début. Les compagnons, c'est pas qu'ils n'ont pas de nahalish, Khalil Rodouar, El Rodouar. Non, on leur parle de quelque chose comme ça, là, l'événement il est grave, il faut faire attention, il faut se préparer. Mais on a pas qu'il y en a un accord avec le machin, il y a un chien accra des ours. Il se peut que là, il va bientôt sortir. Qui c'est qui nous dit ça? Il y a un bel rime. Il y a un chien. Il y a Allah. Il y a que Allah qui connaît le rime. Mais on n'a jamais l'arrêt. Subhanallah. Fayyib, on a dit tout à l'heure que le prophète, il a décrit. Il a décrit l'arwa. Il a décrit le borgne. Ce qu'il a dit, il est en chef. Dès que c'est un jeune. Un jeune. A'waru l'ayn al-yumna. Sur l'œil droit, qui est ennahu et l'inadatum tafia. C'est comme un raisin sec. Sur l'œil droit, c'est comme un raisin sec. T'as vu le raisin comment il est tout fripé sur. Je sais pas si ça se dit, tout fripé, non? Il est comme ça sur l'œil droit. Anna l'ayn al-yumna, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un voile dessus. Il y a un voile. Comme il est mentionné dans le hadith, voilà une litra alayha gaparatun. Et c'est quoi gaparatun? C'est ce qu'on appelle en français un épaississement partiel de la conjonctive. Ça, c'est un terme médical que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Je ne l'ai pas sorti de ma tête. C'est un épaississement partiel de la conjonctive. C'est quoi la conjonctive? C'est, tu sais, la membrane, si on peut dire comme ça, la membrane qui recouvre l'œil. Ah ben celui-là, il n'est pas transparent, il est flou, quoi. Mais malgré ça, il voit. En plus, c'est un arwa ou une chose. Allah. Mais on va dire, il est On demande protection à Allah, c'est pour ça que s'il sort, qu'il nous préserve contre le Messie de Dieu. Qui m'a dit, l'un m'a dit, il y a un kafir. Entre ses yeux, il m'a dit quoi, kafir. Et dans une autre moyen, kafara. La yaqra'uha, aïe, t'il qu'elle chouroub, il est le mu'min. Ah oui, mu'mina, taban. Qari un kana, ou gayouk. Qu'il soit quelqu'un qui dit, qui ne dit pas, tant que c'est pas croyant, il verra. طيب ça on l'a développé tout à l'heure. On a dit dans le chapitre de Qira'a, l'imam billah, ou l'amour al-sarif. Ou l'imam billah, comment on dit l'imam billah? Parce que des fois, il faut préciser les magistrats, ils vont dire, ouais, mais l'imam billah, simplement Allah. Non, l'imam billah, ça englobe toute l'aqida, on a. D'accord? Les coulis maja'a, ou anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala à la rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam. Le Hassan al-Basri, qu'est-ce que Hassan al-Basri a dit? إن هذه الفتنة فاكو سما خاصة فتنة المسيح الدجال فاكو سما صد المرة فتنة المسيح الدجال أنجلي على فتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أقبلت عرفها كل جاهل هذه اختلاف فتنة جنرال العلماء يظنوا بذي دي تتفاغل لا كيف يظن دي يظن دي في أن جنرال كنت يم فتنة كي بيان أظن كتوا أخذي العلماء إلى أبوال تبقوا فويتي صدق تشكون العلماء ماشي شرط تكون حافظ القرآن تكون لهم كوليسون تكون تكون القرآن فاكر وتكون تكون الحديث تكون تكون كالإيمان تكون تكون أنتخل بيه سو سينيور تكون تكون تكون سي دغوة سي دغوار تكون تكون تكون شمال جو بروفا داني صلاة القرآن كي أتي تخافي تكون تكون تكون سي بوان سي بوان دو عقيدة سي بوان دادوراسيون تكون تكون تكون سي بوان لا أبا لا فيتنا كنت الاريب avant d'arriver هاي فتنة هاي جاية ومدع لتقبل ما كيني أبو كالاغيب جميل واني إلتو كالاغيب إيه لأبخي دي جو إلي تختي لا فتنة الجوهاني كما تكخي شو إلتو آه تابي لا فتنة تابي لا فتنة إلتو كالي فاتي فتنة دي سي سيكو إلفو إتدي إلفو أبخون إلفو أبخون سا رليجون سي إمبورتان مش واحد مدي شي تفل تفعليك مدي شو واحد نحكي لك نابورت كوا يجي يحكي لك حاجة أقول يا أخي فراك لو بيك أنا الكلام عندك دليل T'as un dalil sur ce que tu me dis? Tu me racontes quelque chose? T'as des dalils? Ah oui, moi j'ai des dalils. J'ai fait un rêve et j'ai vu dans un rêve. C'est un rêve. On n'a pas besoin de rêve. Ou bien quelqu'un va dire oui, j'ai vu dans un livre, c'est histoire magique. Ou bien les légendes. Ou bien l'histoire de mille et mille. Non! Ahla anna qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala l'a dit le Coran? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit le hadith sahih? Barak Allah, t'es. أما ما عندك قال الله قال رسول الله تدرس جيب بدون جيب بدون باش تجيب لي حاجة أخرى شي كاين على بالي شكاع أنت تدور وأنت تخلص يسوغ تما تطوع واش كما تطوع واش تعمل قال الله قال رسول الله تدرس القرآن واضح والحديث واضح طيب لونه كما يلي سو فيزاج يتجه حديث هذا حديث كيما وصل أقمر أزهر رجال يتجه في الخصام تنجيغ بلون Son visage il est blanc cassé, c'est un blanc cassé comme ça, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ra'souhu, c'est annaha aqsan shajara. Yani, anna sha'rahu kathir, mutafarriq qa'im. Wa fi riwayat ukhra, ja'd. Ja'd c'est quoi? C'est les cheveux crépus, des gros cheveux, des cheveux ébouriffés, et une grosse chevelure. Il est comme ça. Il est blanc, son visage blanc, blanc crème, tu vois, à peu près comme ça. Yunadu fi Yahoud. Je suis la Dourèche, dans une famille de Yahoud, de Juifs. Ah, c'est un Yahoudi. Donc son appel à lui, ne s'appelle pas Yahoudi. Son père, il a été décrit dans un hadith, sa mère non. Son père, il a été décrit comme quelqu'un de Tawil. Et son nez crochu. Comme un nez d'un aigle. T'as vu le nez d'un aigle? Comme ça, son nez a été décrit. Et sa mère, elle n'a pas été décrite. Et quand ça qu'il va, il va sortir, le père et la mère, après une absence de 30 ans, c'est-à-dire que pendant 30 ans, ils vont essayer d'avoir des enfants, ils ne vont pas avoir des enfants, excepté lui. Le Messie chante de Dieu. Ibn Mas'ud. Abdallah Ibn Mas'ud. Rabbanan. Quand il a entendu la description du prophète alayhi salatu wa sallam, qui lui a décrit le Messie al-Dajjal. Il a décrit le Messie al-Dajjal. Le Hazar, comme on l'a décrit, c'est des gens qui cherchent. Il a cherché tous les limites pour voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui ressemble à lui. Subhanallah. Après, il a trouvé quelqu'un. Il a trouvé quelqu'un qui ressemble à Dajjal. Comment il s'appelle? Fas ibn Sayyad. Comment il s'appelle? Fas ibn Sayyad. Il l'a trouvé. Il est devenu le prophète en Israël tout seul. Il dit alors son Allah, il y en a du Allah. Si vous avez décrit le Dajjal, moi je l'ai trouvé le Dajjal. Voilà, c'est un thème. La description que tu nous as décrite, son père, il est long, il a un écroché comme un d'elle. Sa mère, elle n'a pas été décrite. Ils n'ont pas eu d'enfants après 30 ans. En plus, c'est une famille de juifs, il y a un dit. En plus de ça, son œil, il est arabe. Et l'autre, il a une grosse membrane qui descend sur l'œil gauche. Il est blanc. Ça, c'est une fille de Dieu. Le prophète, il n'a pas tout dit de la parole, il n'a pas dit.